tourne pas comme mon âme jambissa Americano qui domisse le gars Fugan du Nord. J'ai oublié Mambo, le papa de Luciana. Mère de Issa, Fiabatous, Bal Nasefa. Yaberu, le maman, Loulou, Ali, Evat, Bolo Bélela. Mère Mado, la dame de fer, la mille feignant. Gaël Malonga. Oula, est-ce que le grand prêtre Marcel Mbessaï de Z1. Sonny Béa, JP Kenki, Guy Wa. Richard Massacre, GSM, Ndego et Christian Peugeot. Ah, Osaman Angel, le king de Paris. Christian Peugeot Investissement à Paris. DJ Marking, Canada. Mariam Okimbi, Maître Bruno, Chico Dada, Eric Savoukouama. Leader. spécial Wimba. Jardin éclaireur. Le DPS du Sénat, y'a Roger Ngenge, Jimmy Jimingi Oya Mirai. Président Gabriel Boukilo, Séraphin de Yao, Mokendi Jérémy Ayo se monte ma peine. Babone la kandenge nini moni ma yolinga. Nazala tabile yoli yoli nama. Nakota na katina yope na lima ni susute. Wana poeba verbe. Mana au bas de la capture on avait vu Jos Okeri. Jocelyn Onanga, Docteur Jagger, le grand pharmacien Bolingo et Maman Kadi, les établissements number one chez Mohamed Hams Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ismaël Gambenzi, Denis Kacharel, mon prise de Jean-Jacques Bouillard.